étude la plus complète jamais réalisée sur la question qui a fait fin octobre la couverture de la revue Science. 141 scientifiques ont cartographié la diversité et l'abondance des différentes espèces de vers de terre en exploitant les données de près de 7000 sites dans 57 pays. Un recensement essentiel quand on sait non seulement l'importance des vers de terre dans le travail et l'enrichissement des sols, mais aussi compte tenu de leur disparition progressive. Si on comptait jusqu'à 2 tonnes de vers de terre à l'hectare dans les champs en 1950, on en compte aujourd'hui plus que 200 kilos. L'ombrique entre terre et verre, c'est le programme visqueux qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour faire l'état de ces travaux, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui deux géodrillologues en les personnes de Yvan Capoviès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en duplex avec nous depuis les studios de nos camarades de France Bleu, Gare Lozère à Nîmes, spécialiste des comportements des vers, chercheur INRA d'Avignon, et ici à la Maison de la Radio, Jérôme Mathieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à Sorbonne Université, associé à l'IEES, l'Institut d'écologie et des sciences environnementales de Paris. Mais avant de plonger sous terre, nous restons quelques minutes en surface encore pour faire le tour de l'actualité des sciences et de la recherche avec le retour de Natacha Triou pour le Journal des sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec l'avenir du Palais de la Découverte à Paris. Son projet de rénovation suscite pas mal d'inquiétudes. Le Palais de la Découverte fait partie du Grand Palais et dans le cadre de la rénovation du bâtiment, le musée va fermer ses portes en septembre pour ouvrir en 2024. Alors depuis plusieurs mois, de nombreuses critiques sont émises. Non seulement contre le budget pharaonique des travaux, de près de 500 millions d'euros, mais aussi contre la profonde mutation qui se profile. Le projet officiel prévoit une large réduction du personnel et de la surface de l'institution. Une pétition en ligne qui s'oppose au projet a déjà récolté près de 6000 signatures en quelques semaines. Et de plus, l'Académie des sciences dénonce une remise en cause totale de la muséographie du musée. Elle refuse de soutenir le projet Palais 2024. Sébastien Balibar est membre de l'Académie des sciences. Le Palais de la Découverte est vraiment en grand danger. C'est un lieu très original. On y présente la science en train de se faire, comme disait le prix Nobel Jean Perrin. Il est maintenant prévu de supprimer la moitié des surfaces qui sont dédiées à ces démonstrations et aussi la moitié de son personnel. Et ce projet, c'est quoi? C'est de remplacer le réel par des écrans d'ordinateur. Évidemment, ça prend moins de place. Sur les 35 salles qui servent à présenter des choses qui prennent de la place, bon, ils en gardent seulement 16. Et encore, dans ces 16 salles, il y a un salon de discussion, un labo à distance, une salle immersive. Vous voyez l'espèce de jargon à la mode. Mais c'est aussi de flatter un certain public en remplaçant une vraie muséologie scientifique par des espèces de discours, excusez-moi, mais que je trouve absurdes autant que vulgaires. Alors d'autre part, ils ont des idées que je trouve un peu ridicules. Par exemple, ils veulent créer des îlots de curiosité qui évolueraient en fonction des saisons. Par exemple, le thème artificiel rassemblerait des domaines complètement hétéroclites comme la bionique, l'intelligence artificielle, rien à voir, la géo-ingénierie encore moins, avec des expositions d'œuvres d'art contemporains parce qu'ils sont obligés de cohabiter avec la partie artistique. Le bouquet, si j'ose dire, c'est le thème beauté. Alors dans le thème beauté, ils veulent mélanger les substances hallucinogènes avec, tenez-vous bien, la physique du tout. Et ça veut rien dire, c'est pas possible, ces gens ne connaissent rien à la science. C'est surtout qu'ils ont une conception de la muséographie qui relève de certaines politiques publicitaires, quoi. Donc notre Académie des sciences a refusé de collaborer avec Universcience sur un projet pareil. Et on passe aux brèves. Selon une étude parue dans le journal de l'American College of Cardiology, les fumeurs de longue date qui commencent à vapoter voient des bénéfices pour leur santé en moins d'un mois. Et c'est la plus grande étude clinique à ce jour. Sur 114 fumeurs, 40 ont continué à fumer et 74 sont passés à la cigarette électronique. Pour les vapoteurs, les résultats montrent qu'en quelques semaines, leur santé vasculaire s'améliore. L'équipe britannique s'est appuyée sur la dilatation induite par le flux, c'est-à-dire sur la façon dont les vaisseaux sanguins se dilatent. Plus ils sont capables de se dilater, plus ils sont en bonne santé. santé. Les scores de dilatation pour un fumeur devenu vapoteur se sont considérablement améliorés avec des scores proches d'un non-fumeur. L'étude rappelle que nous ne connaissons toujours pas les effets à long terme de la cigarette électronique, mais elle conclut que cela reste moins nocif que le tabac. Selon une étude parue cette fois dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, la direction dans laquelle les galaxies tournent dépend de leur masse. Une équipe internationale a mesuré la rotation de plus de 1400 galaxies. Ils ont mesuré le spin de chacune d'elles par rapport à son filament cosmique le plus proche. Les filaments cosmiques, ce sont les plus grandes structures de l'univers. Ils ont découvert que les petites galaxies, comme notre Voie lactée, ont tendance à tourner en alignement direct avec les filaments, tandis que les plus grandes tournent, elles, à angle droit. C'est comme si l'épine dorsale des filaments cosmiques était l'autoroute de la migration galactique. De nombreuses galaxies se rencontrent et fusionnent en cours de route. Ces résultats offrent un aperçu de la structure profonde de l'univers. Et pour finir, des Japonais viennent de concevoir des batteries transparentes comme du verre. Le groupe NTT Communication cherchait à créer des batteries aussi discrètes que possible. Leur prototype ne dépasse pas une feuille à quatre. Son rendement est encore assez faible, mais elle peut alimenter des petits appareils et elle laisse passer 69% de la lumière. Il est possible aussi de relier plusieurs vitres ensemble pour augmenter leur capacité. Alors transformer une fenêtre en batterie, ça pourrait être révolutionnaire. Les fabricants parlent d'applications pour les voitures, les lunettes intelligentes et les lentilles de contact. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain journal des sciences. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes les études dont il a été question sur notre page sur franceculture.fr ainsi que sur notre fil Twitter @laméthodefc. C'est donc, je vous le disais, une étude sans précédent menée dans 57 pays sur près de 7000 sites pour cartographier précisément le nombre d'espèces, la biomasse et l'abondance des vers de terre à la surface de la planète. Cette étude qui a été publiée fin octobre, qui a eu les honneurs de la couverture de la revue Science, elle est évidemment très riche en enseignements à l'heure où la quantité de lombric nécessaire à la richesse et à la répartition de la matière organique dans les sols est en chute libre depuis la seconde moitié du XXe siècle. Ces vers qui intéressent depuis longtemps les naturalistes pour leur rôle dans la vie et la richesse des sols, mais aussi pour leur goût. Écoutez cette archive, elle est issue de l'heure de la culture française en 1955 sur la RDF. Il est permis de supposer que tous les animaux qui se nourrissent de substances variées possèdent le sens du goût, et c'est certainement le cas pour les vers. Ils aiment beaucoup les feuilles de chou, et ils semblent pouvoir faire une distinction entre différentes variétés. Quand on leur donna tout ensemble des feuilles de chou, de réfort et d'oignon, ils préférèrent toujours ces dernières, et cela d'une façon manifeste. On leur donna aussi tout à la fois des feuilles de chou, de tilleul, de vigne, de panais et de céleri, et ils mangèrent tout d'abord celles de céleri. Mais quand on leur donna ensemble des feuilles de choux, de navets, de betteraves, de céleri, de cerisiers sauvages et de carottes, ils préférèrent les deux dernières espèces, et tout spécialement celles de carottes, à toutes les autres, y compris celles du céleri. Il est merveilleux de songer que la terre végétale de toute surface a passé par le corps des vers et y repassera encore chaque fois au bout du même petit nombre d'années. La charrue est une des inventions les plus anciennes et les plus précieuses de l'homme, mais longtemps avant qu'elle existât, le sol était de fait labouré régulièrement par les vers de terre et il ne cessera jamais de l'être encore. Il est permis de douter qu'il y ait beaucoup d'autres animaux qui aient joué dans l'histoire du globe un rôle aussi important que ces créatures d'une organisation si inférieure. Voilà cette archive de la radiodiffusion française. Alors, les vers de terre ont un goût prononcé pour les feuilles de chou et les feuilles de céleri, Jérôme Mathieu ? Oui, bah en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les vers de terre ne voient pas, ils n'ont pas d'yeux. Et donc, il faut qu'ils fassent tout ce qu'ils ont à faire sans yeux. Et donc, bah, par exemple, trouver à manger, tout bêtement. Et donc, du coup, pour ça, bah, ils utilisent leur sens olfactif, on va dire. Et donc, du coup, ils sont capables de détecter tout un tas d'odeurs assez facilement, quoi. Donc, ils sont assez sensibles, finalement, aux odeurs. Yvan Capoviez, est-ce que cette sensibilité aux odeurs, elle peut s'apparenter à un goût, comme on vient de l'entendre dans l'archive ? Oui, alors en plus de l'odeur, je pense aussi que c'est surtout le goût, parce qu'il y a des cellules, des récepteurs chimiques près de la bouche des vers de terre. Et donc, ils sont capables, en avançant dans le sol ou en se baladant à la surface, de sentir, de voir si une paille, une feuille de chou, par exemple, est plus intéressante pour eux. Oui. Mmh. Donc il y a le goût et un peu l'odeur. Mmh. Alors, le défaut de l'odeur, Le défaut de l'odeur, c'est que dans le sol, ça se propage pas très bien. Mmh, évidemment. Alors parlez-moi un peu de cette étude. Hein. C'est une étude de très grande envergure, je le disais. 7000 sites, 57 pays. Jérôme Mathieu, comment, quelle méthodologie d'abord, en fait? Comment est-ce que vous avez procédé pour obtenir autant d'échantillons et pour traiter tous ces échantillons? Oui, bah donc ce travail, en fait, il a consisté surtout à agréger des données qui étaient existantes, donc des données qui étaient présentes dans différents laboratoires à travers le globe. Et donc l'étude, elle a consisté à contacter différentes personnes qui avaient ces données et à les mettre ensemble, donc à les homogénéiser et à construire une base de données commune et à partir de là faire des analyses, donc une modélisation de la diversité, la distribution de l'abondance et ensuite de faire des cartes. C'est ça. Alors les cartes, on vient de les publier justement sur le fil Twitter et sur le site de l'émission. Quelles sont les données justement? Comment? Parce que en fait, ces données-là, vous les avez prises auprès de quel type de laboratoire? Est-ce que elles étaient toutes formalisées? C'est-à-dire que vous avez réussi à retrouver exactement les bons prélèvements pour pouvoir tout mettre ensemble et tout mettre en commun et trouver un sens général à ces données? Oui, bah alors la première difficulté, en fait, ça a été tout bêtement de savoir quelles données existaient. Parce que ça, c'est pas forcément évident. On n'a pas de base de données ou de site web qui nous recense toutes les données qui existent et qui ont été produites. Donc du coup, en fait, un très gros travail, ça a été juste simplement d'aller faire la bibliographie, contacter des auteurs pour savoir s'ils avaient des données ou pas. Sachant qu'il y en a une bonne partie qui n'était pas publiée ou qui était publiée dans d'autres langues, donc en particulier en russe ou en chinois où on n'a pas accès. Donc du coup voilà donc ces données elles sont stockées chez les différents dans nos différents laboratoires de recherche classiques et sous des formats très variés donc du coup il y a un autre gros travail qui a été de mettre tout ça dans un format compatible, on va dire. Mmh. Yvan Capovies, vous avez participé aussi vous justement sur cette agrégation de données? Alors non, moi j'ai été fournisseur de données. Mmh, c'est ça, donc ouais. Ça fait partie c'est une tendance qui est lourde maintenant dans la recherche, hein, tout le monde travaille dans son coin, tout le monde crée des données et on voit qu'on arrive à des synthèses plus intéressantes si tout le monde met en commun ces données. Donc ça, voilà. Et donc, les questions qui se posaient aussi, c'est les façons d'échantillonner, etc. Donc il y a aussi des critiques qui peuvent tenir à ça. C'est est-ce que tout le monde avait fait exactement le même mode opératoire? Néanmoins, on peut lisser tout ça, on peut regarder les effets aussi de ces différents protocoles d'échantillonnage. Et on arrive à des synthèses. Et on arrive à des synthèses et on voit les cartes, enfin vraiment, vous avez réussi à échantillonner sur une très très large majorité du globe. Ça veut dire que vous avez réussi à obtenir des données dans à peu près tous les pays, ou en tout cas des données significatives pour obtenir une carte que vous pouviez lisser à l'ensemble de l'échelle de la planète, Jean-Mathieu? Oui, c'est ça. Donc on a essayé d'avoir des données de un peu partout sur la planète, on va dire. Et donc du coup, il y a des données, par exemple en Europe, il y en a beaucoup, parce que bon, il y a beaucoup de chercheurs. Il y a des zones, par contre, où il y a déjà beaucoup moins de données. Donc par exemple, je pense à la Russie, à la Chine, en Afrique. Mais bon, elles existent quand même, donc on a réussi à les trouver, à voir ce qu'on pouvait en faire, à les agréger, à les reformater, etc. Donc du coup, ce qui manque à l'heure actuelle, c'est plutôt les données vers les globes, finalement. Enfin, pardon, vers les pôles. À la pôle, oui. Et où il y a peu de données, finalement. Et par contre, dans les régions tempérées tropicales, il y a une assez bonne couverture géographique. Alors, à quelles données précisément vous êtes intéressé? Alors, il y avait deux grands types de données. Il y avait donc tout simplement l'abondance, donc c'est-à-dire le nombre d'individus par mètre carré. Combien est-ce qu'on trouve de vers de terre quand on fait un trou, quoi? Donc, sur une surface donnée. Et la deuxième, c'était quel est le nombre d'espèces qu'on trouve dans cette même zone. Donc, est-ce qu'il y en a une espèce, trois espèces, dix espèces? Donc, le principe, ça a été d'essayer de cartographier ça. Donc, combien est-ce qu'il y a d'un individu par mètre carré à l'échelle du globe? Combien est-ce qu'il y a d'espèces au mètre carré à travers la planète? Et dans tout type de terre? Oui, c'est ça. On a essayé d'être le plus, couvrir le plus de diversité de conditions environnementales possibles. Donc, que ce soit climatique, pédologique, etc. Donc, c'est quand même assez complet. C'est-à-dire dans des terres à la fois cultivées, dans des terres non cultivées, dans des terres... Oui, donc il y a un peu tous les milieux. Donc, il y a des zones cultivées, donc en agriculture intensive. Il y a des zones de prairies, des zones de forêt, alors primaires entre guillemets, des zones de forêt secondaires, de l'agroforesterie, un peu de désert, mais pas tant que ça... donc un peu des zones humides aussi, des zones méditerranéennes. Enfin, il y a un peu tous les cas de figure possibles. Et alors, quels sont les grands enseignements que vous pouvez tirer de cette méta-étude à l'échelle planétaire? Alors oui, un des résultats qui a été vraiment surprenant, c'est que les patrons de diversité, donc les variations spatiales de diversité, suivent pas exactement celles à laquelle on s'attendait. C'est-à-dire ? Donc, sur la plupart des organismes, donc que ça soit les plantes, les vertébrés, les oiseaux, etc., la diversité est maximale vers les tropiques. Mmh. Donc, en gros, quand on est dans les tropiques, la diversité est plus élevée, et plus on va vers les pôles, et plus la diversité va être faible dans l'ensemble. Et là, ce qu'on s'est aperçu sur les vers, c'est qu'en fait, la diversité elle était maximale dans les zones tempérées, et non pas dans les zones tropicales. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez surprenant, et qui remet un peu en cause les règles générales qu'on a sur la distribution spatiale de la diversité des organismes vivants. Vous avez aussi répertorié en fonction d'un certain nombre de critères. Il y a aussi quelque chose peut-être d'important, c'est la biomasse considérable. Vous attendiez à trouver une telle biomasse sur l'ensemble. Alors votre question me fait rigoler parce qu'en fait il y a eu un gros débat parmi les auteurs là-dessus parce que en fait nous, surtout les gens qui ont donné qui ont fourni des données. Trouvait que les estimations par le modèle étaient faibles. Ah, d'accord. Oui, donc là, de mémoire, c'est jusqu'à 150 individus par mètre carré hein, sur la carte. Alors qu'en fait, nous, on en trouve souvent jusqu'à 500 au mètre carré, quoi. Enfin, dans les prairies, par exemple. Et donc, je pense que globalement, ça sous-estime un petit peu l'abondance. Mmh. Mais bon, il faut bien faire un premier travail, donc on améliorera par la suite. Mais a priori, c'est plutôt des sous-estimations, la diversité et l'abondance. Ouais. Yvan Capovisage, vous entendez sourire? Oui, mais effectivement, cette histoire de biomasse, d'abondance, c'est toujours assez difficile à étudier, puisque effectivement, comme vous l'avez dit, on va mélanger des sols où on a pratiqué l'agronomie intensive et puis peut-être des sites naturels. Et donc, comme disait Jérôme, 500 voire 600 vers au mètre carré, on peut les trouver en prairie. Donc, sur les cartographies dans Science, on en est un peu loin pour l'instant. Mmh. On peut trouver jusqu'à 2 kg au mètre carré néanmoins. Au mètre carré, alors attendez, ça c'est pas un peu élevé pour le coup. Ça va jusque entre 1 et 150 grammes, jusqu'à 2 kilos par certains endroits, notamment en France, dans les prairies, je pense que c'est ça. Alors donc quand il y a 500 individus, ça doit faire ça en fait. Ouais. Yvan Capovies, oui. Oui, c'est ça. Alors c'est vraiment un sujet qui est très intéressant parce que vous avez cité au début là cette annonce un peu catastrophiste de dire que les densités ou les biomasses chutaient drastiquement depuis 50 ans. C'est ça. Et on est quand même tous un peu embêtés parce qu'on n'a pas de données il y a 50 ans très précises. On en parlera peut-être tout à l'heure. Bien sûr. Et on n'a pas de données qui reviennent sur les mêmes sites. Et donc on a peut-être tous un peu ce sentiment, mais on n'a pas encore de preuves effectivement qu'il y aurait une chute lourde des biomasses de vers de terre dans les terres agricoles. Oui, parce que les chiffres, c'est intéressant, parce que les chiffres que je citais, on disait jusqu'à 2 tonnes par hectare en 1950, et pour descendre à 200 kilos, donc c'est divisé par 10, qui est effectivement énorme, mais c'est une information qu'on retrouve à de nombreux endroits, mais qui est difficile à sourcer. Voilà, exactement. Comme souvent, hein, donc toutes les études sur le vers de terre, il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui sont écrites, et on n'a jamais trop la source. Hein. Mmh. Et ça, c'est vraiment une des difficultés pour la communauté des géologues, c'est ça, sourcer. Parce que souvent, c'est extrapolé, donc on fait un point précis, et pour peu qu'on ait un peu, au lieu de faire un mètre carré, on ait fait un peu, presque 2 mètres, en fouillant un peu les bords, et puis on extrapole sur des surfaces énormes, et puis on trouve des chiffres astronomiques. Et c'est toujours difficile. Mmh. Alors, il y a un autre enseignement intéressant, on pourra peut-être y revenir aussi, c'est que la température et les précipitations sont des facteurs d'influence plus importants que ce que vous imaginiez au départ, Jérôme Mathieu. Oui, souvent on imagine que les organismes du sol sont principalement, influencés par les facteurs locaux, donc en particulier les propriétés des sols. Et en fait, quand on regarde à grande échelle, donc en comparant différentes situations, en fait, on se rend compte que finalement, ce qui est vraiment important, c'est tout simplement le climat, quoi. Donc la température et les précipitations. Donc il faut bien se rappeler que les vers de terre, c'est des organismes qui sont originaires d'organismes aquatiques. Donc du coup, ils sont encore très dépendants de l'humidité. Ils n'ont pas de cuticules ou de choses comme ça, et donc ils ont besoin d'un milieu humide. Yvan Capovies sur cette... C'est peut-être une image qui est difficile à comprendre peut-être dans le nord de la France, mais moi qui suis à Avignon, donc en climat méditerranéen, il faut savoir que les vers sont inactifs pendant 6 mois par an. Tout simplement parce que les sols ne sont pas humides. Alors, en mettant à part l'irrigation. Hein. Mais donc, effectivement, la teneur en eau des sols et la durée d'humectation de ces sols, c'est un des critères forts pour expliquer l'activité des vers. Et puis après, il faut qu'ils aient le temps de se reproduire et donc la pérennité des communautés. Nature, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h20 sur France Culture, nous faisons donc un tour du monde des lombrics en compagnie d'Yvan Capovies qui est avec nous en duplex depuis Nîmes et Jérôme Mathieu. Alors peut-être qu'on peut décrire un peu, faire un peu de taxonomie sur ces lombrics. Vous le disiez à l'instant, hein, c'est à l'origine un organisme qui vient d'un milieu aquatique et aujourd'hui on en dénombre 13 familles et environ 6000 espèces décrites, Jérôme Mathieu. Oui, alors effectivement, donc il y a à l'heure actuelle environ 6000 espèces qui sont décrites. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est particulièrement difficile d'identifier un ver de terre, parce que bah, y a pas beaucoup de critères externes. Hein. Quoi ressemble plus qu'un ver de terre qu'un ver de terre. Et donc, du coup, c'est pas du tout évident de d'identifier, de déterminer ce que c'est qu'une espèce déjà dans, sur le principe même de la notion d'espèce, et encore moins sur des vers de terre. Et donc, du coup, jusqu'ici, on se basait essentiellement sur des critères anatomiques. Donc externe au niveau de la couleur, des choses comme ça, la position des organes. Et aussi, il faut faire des dissections en fait pour regarder où se trouvent les organes, à telle position dans le corps, etc. Donc autant dire que c'est assez compliqué et c'est réservé aux spécialistes. Après, y a quand même la révolution de la biologie moléculaire qui est arrivée il y a quelques années et donc qui a permis d'attaquer ce problème-là d'un point de vue plus moléculaire. Et donc ça a mis le doigt sur plein de problèmes sur la taxonomie qui existait jusqu'ici. Et donc en particulier, une des difficultés qui est apparue, c'est que certaines espèces qu'on pensait être une espèce, en fait, sont plusieurs. Donc le cas emblématique, c'est l'Ombricus terrestris, donc qui est vraiment l'espèce la plus connue. On s'est rendu compte qu'en fait, le fameux l'Ombricus terrestris, c'était pas le l'Ombricus terrestris, mais en fait, c'était deux espèces. Donc il y en a une plus grande et une plus petite, qui se ressemblent beaucoup. Donc pour pour arriver à ce résultat-là, on a été obligé de reprendre en fait les individus types qui ont servi à décrire l'espèce pour faire un travail moléculaire dessus et donc pour clarifier le statut d'espèce. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des espèces cryptiques. Donc deux espèces qui se ressemblent vraiment énormément et on n'arrive pas à les différencier sauf en faisant de la biologie moléculaire. Et donc, à l'heure actuelle, on estime qu'il y a environ 6-7 000 espèces décrites. Donc on connaît, qu'on peut dire, voilà, cette espèce-là, c'est ça. Enfin, cet individu, c'est cette espèce. Mais il faut bien imaginer qu'il y en a énormément d'autres qui ne sont pas décrites et qui ne sont pas connues. Un mot peut-être justement sur la complexité de cette taxonomie, Yvan Capovies. Oui, on peut peut-être l'expliquer par un petit exemple. En France, on estime qu'il y a, alors, grâce aux travaux de Marcel Boucher, plus d'une centaine d'espèces. Et si vous passez le Channel, vous allez en Angleterre, et eux, ils ont peut-être 20 espèces déclarées. Donc on voit bien que déjà, ça va beaucoup dépendre du nombre d'espèces, du nombre de spécialistes en taxonomie qui se sont penchés sur la question. Et donc, voilà, donc il y a des débats actuels. Toutes les espèces de vers, par exemple, décrites par Marcel Boucher, ne sont pas encore toutes acceptées. Donc il y a des débats internes très forts. Et c'est vrai que la biologie moléculaire risque de nous faire avancer, alors, dans le cas des espèces cryptiques, mais même plus généralement. Hein. On classe un peu en général les vers de terre en trois grandes catégories. Aujourd'hui, ces catégories, elles font encore sens, épigée, anésique et endogée. Jérôme Mathieu. Oui, alors ça, c'est les trois grandes catégories classiques, j'ai envie de dire. Donc les épigées, c'est ceux qui vivent en surface du sol, donc qui vivent essentiellement dans la litière et qui mangent de la litière. Donc ensuite, vous avez les endogés, donc ça, c'est vraiment l'inverse, c'est-à-dire c'est ceux qui vivent dans le sol en profondeur, qui vont rarement ou très rarement en surface, et qui ingèrent du sol. Donc ils ne mangent pas de la litière, ils mangent du sol. Et donc eux, ils font des galeries plutôt horizontales au fond du sol, donc c'est un peu des sous-marins, quoi, si vous voulez. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les anésiques, donc eux, ils font la navette entre le sol et la litière. Donc en gros, ils mangent de la litière, et ils habitent entre guillemets dans le sol. Donc ils ont des galeries en général verticales dans le sol. Souvent c'est leur galerie à eux d'ailleurs. Et donc ils vont attraper de la litière en surface et ils vont la descendre dans leur galerie et ils vont la consommer. Voilà. Ces trois grandes catégories, on parle de catégories, ça veut dire qu'elles recoupent, c'est-à-dire qu'on peut faire rentrer toutes les espèces qu'on décrit grâce à la biologie moléculaire dans l'une de ces trois grandes catégories ou est-ce qu'il y en a d'autres petites catégories qui ne correspondent à aucun de ces trois domaines que vient de recenser Jérôme Mathieu, Yvan Capovies? Alors c'est justement quelque chose il faut d'abord reconnaître que ces catégories ont été définies par Marcel Boucher il y a 50 ans maintenant. Et qu'elles ont été appliquées à un gros succès planétaire. Tout le monde parle de ces catégories. Sauf qu'on voit qu'à l'usage, maintenant, on est tous un peu gênés. Donc, on a commencé à créer des catégories intermédiaires. On va parler d'un ver épianésique, le Lombricus terrestris, par exemple. Et puis, on va parler de ver anésique strict. Donc en fait, on s'aperçoit que les chercheurs réutilisent des termes qui n'ont pas toujours bien définis. Et donc là, il y a une étude assez toute récente qui est assez intéressante, où on a repris le travail énorme qu'avait fait Marcel pour retrouver comment il avait défini ces catégories. Et puis en faisant ce travail, et c'est toujours intéressant de relire les textes anciens, on s'est aperçu d'une chose qu'on avait peut-être tous un peu oublié, nous, ceux qui étudient les vers de terre, c'est que ces trois pôles, ces trois catégories sont en fait trois pôles. Et Marcel Boucher l'avait bien dit il y a 50 ans, toutes les espèces se distribuent quelque part dans le triangle entre ces trois pôles. Et il avait bien dit que ce n'était pas des catégories exclusives. Et donc là, il y a des études qui vont bientôt sortir, qui sont très intéressantes, où on va par exemple maintenant un peu changer les choses. On va passer d'un milieu fixiste à un milieu en logique floue. Et on va bientôt être pouvoir capable de dire que telle espèce, elle est à 80% anécique, 10% épigée et peut-être 10% endogée. Mmh. Et donc on retrouve 50 ans après le travail formidable qu'avait fait Marcel. Et qui va peut-être ouvrir de nouveaux horizons, parce que jusqu'ici, on était tous un peu gênés. Alors ça, c'est un ver anécique, il est censé faire ça. Ah ben mince, quand je regarde exactement, il ne le fait pas. Tiens, il y a de la variabilité. Comment on gère ça? Ben, on pense que la logique floue sera très utile. Mmh. Et on connaît aujourd'hui, vous disiez que l'origine des vers de terre est aquatique. On sait exactement le placer aujourd'hui sur la phylogénétique du vivant. On sait d'où ils ont évolué. Il y a encore des vers d'ailleurs qui sont très hydrophiles. Jean-Mathieu? Oui, alors ça, c'est pas évident, question. En fait, bon, la phylogénie est très mal connue chez les vers de terre, tout simplement, parce que ça n'a pas été tant que ça étudié d'un point de vue moléculaire. Il y a quelques espèces qui sont étudiées, mais bon, il y en a une centaine ou 200 peut-être au maximum, mais sur 7000, ça fait pas beaucoup. Donc du coup, c'est pas évident d'avoir, on va dire, un point de vue global. Les estimations qui valent ce qu'ils valent, a priori, elles sont assez erronées, mais on estime que ça date de 150 millions d'années, l'apparition des vers de terre, donc le moment où ils sont sortis de l'eau, grosso modo, pour aller coloniser les sols en premier. Donc les premiers, c'était des endogés, et après, ils sont diversifiés en épigées, en anéciques. Et donc, du coup, en fait, ce qui manque pour avoir une réponse claire à cette question, c'est une bonne étude du génome des vers. Et ça, en fait, jusqu'ici, on n'a pas été capable de le faire, donc il y a juste... un génome à peu près qui a été décrit, mais pas plus, et il n'est pas entier, il n'est pas bien assemblé, etc. Donc on est très loin d'avoir une bonne compréhension de la phylogénie de ce groupe, en fait. Mm. Donc à partir de là, c'est compliqué de faire la classification, etc. Comment on explique, Yvan Kabovies, qu'il n'y ait pas plus d'études génétiques et génomiques, justement, de ces populations de vers de terre, d'autant que ça fait maintenant quelques années qu'on a conscience de leur importance et de leur extrême importance, justement, quant à la vie des sols? Justement, c'est un des peut-être des plus beaux paradoxes par rapport aux vers, c'est que tout le monde est absolument convaincu de leur importance, et pourtant, leur étude n'a pas été extrêmement développée. Si on rembobine un peu le film, il y a, je dirais, encore 15 ans, l'INRA considérait que les vers c'était juste des occupants du sol, mais qu'ils n'avaient pas forcément un grand intérêt au niveau agronomique. Et là, en 15 ans, on a complètement changé d'opinion. Mais il n'empêche que du coup, il n'y a pas eu d'études fondamentales. Il n'y a pas grand monde qui s'intéresse. Alors après. Notamment des gens qui travaillent avec Jérôme. Et puis, il y a très peu de choses sur les flux de gènes entre ces populations, parce qu'on va dire qu'il y a une espèce qui est présente dans toute l'Europe. La mobilité des vers est très réduite. Est-ce qu'au bout d'un moment, on a simplement des espèces en création, juste parce qu'elles ne vont jamais échanger de gènes? Un Lombricus terrestris d'Avignon et un Lombricus terrestris de Paris, je ne pense pas qu'ils vont échanger des gènes très très vite. Alors, qu'est-ce qu'on sait justement, parce que comme vous le dites, hein, ça se déplace peu, mais qu'est-ce qu'on sait? Il y a différents, là aussi, quand on se penche un peu là-dessus, sur des mécanismes de reproduction, on trouve vraiment toute une gamme, toute une variété de la reproduction sexuelle, à parthénogenèse. En fait, voilà, on se reproduit un peu comme on peut avec les individus qu'on croise ou pas. Oui, alors... Nommez comme vous voulez. Yvan Kapoviès, allez-y. Oui. Alors là, c'est plutôt simple. On va dire que les épigées... tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait pas utiliser ces classes, mais là, je le fais quand même, vous voyez. Donc les épigées sont capables de parthénogenèse, pour la plupart d'entre eux, mais peuvent aussi utiliser la reproduction sexuée. Et les autres catégories, donc endogées et anéciques, eux doivent être, même s'ils sont hermaphrodites, hein, tous, eux doivent être deux pour se reproduire. Et donc, ils échangent chacun du liquide spermatique. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Jérôme. Oui, ce qu'on peut aussi noter, c'est que dans la même espèce, en fait, il peut y avoir des populations qui font la reproduction sexuée et d'autres populations qui font la parthénogenèse. Donc c'est pas une espèce égale un mode de reproduction, c'est un peu plus compliqué que ça. Et peut-être qu'on peut décrire un peu justement le lien très très fort. Qu'est-ce qui se passe en fait comment ces vers de terre, ces lombriques en fonction du pôle ou des pôles dans lesquels ils évoluent, travaillent le sol et la matière organique. Jean-Mathieu. Oui, bah alors, donc ce qu'on disait, c'est que ces trois grands groupes-là qui sont un peu critiqués, mais utiles, ça, en fait, ça reflète des habitudes alimentaires différentes et donc ils vont avoir des conséquences différentes sur les écosystèmes. Donc c'est tout bête, hein, ceux qui mangent de la litière, eh ben, ils vont faire disparaître la litière et donc ça va faire en gros du sol nu. Ceux qui mangent du sol ou qui font, en tout cas qui ingèrent du sol, ils vont créer des galeries, ça va faire d'une part de la porosité, c'est-à-dire ça va créer tout simplement des trous dans le sol, et donc ça va permettre à l'eau de rentrer dans le sol, et donc ça va changer complètement le système. Hein. À partir du moment où il y a de l'eau et de l'air qui rentrent, ça permet tout un tas de choses, hein, ça permet d'humidifier le sol, etc. Et donc du coup, en fonction de ce qu'ils mangent, ils vont avoir des conséquences très différentes sur les écosystèmes. Yvan Capovies, pour compléter. Oui, pour compléter, voilà, il y a donc, comme l'a dit Jérôme, il y a les trois grandes catégories qu'on reprend à nouveau, hein, excusez-nous. Et donc, les endogés vont ne jamais s'arrêter de creuser. Leur problème des endogés, c'est de trouver à manger dans le sol, parce qu'ils ne vont pas à la surface. Et dans le sol, en théorie, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de matière organique. Donc, eux, leur vie, ça est vraiment cheminer dans le sol. Et donc, ils vont beaucoup creuser, faire beaucoup de galeries, mais dans toutes les directions. A contrario, vous avez des vers anéciques, donc à tendance vers le pôle anécique, des vers qui vont venir manger la surface et se cacher dans le sol. Eux vont faire des galeries plutôt verticales et ils font des allers-retours. Il y a une conséquence qui en découle, c'est que les galeries des vers anéciques sont très continues et pas rebouchées, hein, parce qu'on la réutilise tous les jours, mm-hmm. alors que les galeries faites par les endogènes dans tous les sens, elles sont continuellement rebouchées par leurs propres excréments. Ils n'ont pas d'autre endroit que dans leurs propres galeries pour faire leurs excréments. Mm-hmm. Et donc là, si on pense à des choses comme les flux d'eau ou d'air, c'est pas du tout les mêmes conséquences, évidemment. Mmh. Qu'est-ce qui se passe exactement? Parce qu'on, vous dites, ils mangent la litière, ils mangent du sol, mais qu'est-ce qu'ils rejettent? Est-ce qu'ils ont quelque chose en particulier qui va produire et qui va produire du fertilisant ou en tout cas de la matière organique plus intéressant pour enrichir les sols? Comment ça se passe justement ce rapport avec les excréments, quels qu'ils soient d'ailleurs, qu'ils soient solides ou même éventuellement liquides, Jérôme Mathieu? Ben alors donc ce qu'ils font, c'est que ils mangent de la litière, soit du sol, et ils le mélangent souvent. En particulier avec des éléments minéraux, par exemple. Et donc, du coup, ils vont mettre en contact des choses qui ne sont pas en contact sans eux, quoi. Donc, c'est-à-dire quoi? Bah, typiquement, la matière organique, donc les dérivés de végétaux morts, hein, ils vont être retransloqués, on va dire, spatialement, et ils vont être mis en contact avec du sol. Et donc, ça va permettre, par exemple, aux bactéries d'avoir accès à la matière organique. Et donc, du coup, ça va activer des phénomènes de décomposition qui n'auraient pas lieu s'il n'y avait pas les vers qui faisaient toute cette bioturbation. Donc, du coup, en fait, c'est un peu des entremetteurs, quoi. C'est-à-dire qu'ils arrivent à mettre en contact des agents qui vont faire de la décomposition. Et puis, en plus, de manière un peu plus intuitive, simplement en mangeant de la matière donc organique, ils vont la décomposer et donc participer au processus de recyclage de la matière. Yvan Capovies, c'est ça, les vers de terre ont très très peu d'enzymes digestives, en fait, c'est ce que vient de dire Jérôme Mathieu, ça permet un brassage et surtout une mise en contact et une activation en quelque sorte des micro-organismes du sol. Oui, tout à fait. Pour les vers de terre, il y a d'abord des actions directes qui sont leur capacité à creuser dans le sol, ou aussi leur capacité à enfuir de la matière organique. Et après, on tombe ici dans un monde qui est un peu plus difficile à étudier, qui sont les interactions. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez créé des galeries, vous avez permis à de l'oxygène et possiblement à de l'eau de venir dans le sol. Une fois que vous avez enfui de la matière organique ou ingéré de la matière organique et excrété sous forme d'agrégat, vous avez créé toutes les conditions idéales pour qu'il y ait une forte activité microbiologique et aussi des colonisations de champignons. Mais du coup, ça va dépendre aussi des catégories écologiques, parce que par définition, les excréments faits par les vers anéciques seront beaucoup plus riches, parce qu'ils ont ingéré de la matière organique figurée, alors que les vers endogés ont plutôt tendance à faire des excréments moins riches, parce qu'eux ont eu déjà beaucoup de mal à trouver de la matière organique dans le sol, on en gardait la plupart pour leur propre maintenance, et on en excrétait moins. Les vers aussi rejettent de l'azote via leur urée, je crois que jusqu'à 30 ou 40 kilos d'azote minéral par hectare par an, donc ça on comprend bien que ça a un effet sur l'enrichissement des sols. Jean-Mathieu? Oui, alors ça c'est, donc en fait ce qui se passe, c'est comme c'est des organismes, comme on disait, semi-aquatiques, et ils sont humides, donc du coup ils ont besoin de maintenir leur corps un peu humide, donc ils ont un espèce de mucus là quand on les touche, et donc du coup via ce mucus, en fait ils éjectent de l'azote. Donc du coup, c'est sous forme-là qu'ils peuvent relarguer de l'azote. Donc du coup, effectivement, ça fait une sorte de source d'azote. Mm-hmm. Après, c'est pas évident de quantifier ça à l'hectare ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que enfin, ça contribue au recyclage des aimants nutritifs. Ouais. Yvan Capovies ? Oui, c'est vrai pour l'azote, c'est aussi vrai pour le phosphore. Hein. Quand on regarde les méta-analyses, quand on lit un peu tout ce qui se fait et tout ce qui se passe, on voit que souvent les vers de terre sont capables de rendre plus facilement biodisponible le phosphore pour les plantes. Or, vous savez tous qu'à l'échelle de 50 ans, on a peut-être manqué de phosphore pour l'agriculture, j'ai envie de dire, actuelle. Et donc là, les vers de terre ont aussi un intérêt. C'est la quasi-totalité des espèces est homéotherme à 12 degrés. Ça, oui ou non, Jean-Mathieu? Alors là, j'ai jamais entendu ça. Moi, je veux bien répondre. Mais... Alors, je vois que vous avez bien appris votre Marcel Boucher, parce que c'est effectivement tous les enseignements qu'il nous a laissés. Donc, Marcel Boucher dit avoir démontré par deux méthodes différentes que les vers avaient un préférendum très fort et très strict à 12 degrés. Alors, on n'a pas à remettre en cause ce qu'il a fait, mais c'est sûrement vrai dans la région où il travaillait, c'était le Dijon, hein, autour de Dijon. Moi, j'ai pu observer que les vers qui sont autour d'Avignon, donc en climat méditerranéen, en tout cas, étaient actifs jusqu'à des températures bien plus fortes. Voilà. Et oui, ça fait partie d'un héritage qu'on a tous, les études faites par Marcel Boucher, et qui n'a pas été revisité. Et je pense que c'est ce qui manque à l'heure actuelle, hein, parce que l'héritage, il est large, il est très intéressant. Il mériterait d'être visité avec des techniques actuelles. Alors, on a dit hein, en quelques mots, donc il y a une action chimique qu'on a entendue, l'action mécanique par l'aération et la modification de la porosité des sols. On parle aussi d'action biologique, c'est-à-dire vraiment juste dans les rapports des racines aux micro-organismes. Jean-Mathieu ? Oui, alors en fait, ce qui est connu, c'est que les vers de terre ont un effet, j'ai envie de dire un effet bœuf, sur la croissance des plantes. En fait, ça, il y a un nombre innombrable de publications qui le montrent. Donc quand on met des vers de terre avec des plantes, ça augmente la production des plantes, quand on dit plus vite, plus fort, plus grand. Mais par contre, on ne sait pas très bien pourquoi. Donc il y a tout un débat là-dessus, il y a tout un tas de mécanismes qui sont possibles. Et donc, parmi les mécanismes, on va dire, un peu modernes qu'on a pu mettre en évidence, y compris au laboratoire, c'est qu'il y a des phénomènes soit de défense des plantes, donc ça va induire des défenses chez les plantes, ça va pas défendre les plantes, ça va induire des défenses des plantes, et aussi des phénomènes qui impliquent les micro-organismes des sols et qui vont produire des hormones, des fausses hormones de croissance des plantes, qui vont un peu duper les plantes et qui vont les faire pousser plus, quoi. Voilà. Yvan Capovies, sur ce sujet. Oui, ce sujet est passionnant et ce sujet est très intéressant. Par contre, à nouveau, on tombe dans les actions indirectes. Parmi les actions qu'on n'a pas listées ici, on voit bien que le ver va modifier la structure du sol, donc va favoriser peut-être des micro-organismes. Ça peut aussi aider certaines racines, on en parle. Il y a plusieurs mécanismes possibles, et donc on est aussi dans des interactions. Ça veut dire que ces phénomènes sont possiblement vrais, mais pas forcément dans tous les sols et dans toutes les conditions. Et donc là, ce qui nous manque, c'est des études un peu tout azimut dans différents pays, différents continents, pour établir par méta-analyse les mécanismes prioritaires de l'action des vers. Out through a sandy expanse, and the sky was a downy. Worm de Dear Reader sur France Culture à 16h40, puisque c'est ce dont il est question, des vers de terre et des lombriques. Nous en parlons avec Yvan Capoviès, qui est en duplex avec nous depuis Nîmes, qui est spécialiste des comportements des vers, chercheur INRA d'Avignon, et Jérôme Mathieu, enseignant-chercheur à Sorbonne Université, associé à l'IEES, l'Institut d'écologie et des sciences environnementales de Paris. Alors nous allons nous intéresser maintenant à l'influence de diverses pratiques sur la concentration en vers de terre, à commencer peut-être par un enseignement de cette vaste étude, c'est la sensibilité au réchauffement climatique, notamment peut-être pour ces vers de surface, pour les épigées, Yvan Capoviès. À l'évidence, les épigées sont en première ligne, puisque de toute façon, ils vivent à la surface. Ils n'ont aucune capacité à venir s'enfuir dans le sol. Et donc, effectivement, les changements climatiques vont vite les perturber. Et encore une fois, ça va être surtout... la température, ça peut jouer, surtout à la surface du sol, moins dans le sol, et la durée d'humectation. C'est-à-dire qu'il faut que la matière organique soit humide pour que ces vers puissent avoir leur action classique. Par contre, il faut aussi dire que ces vers épigées, ce sont des vers qui sont habitués aux perturbations. C'est-à-dire que dès que le sol est sec, dès que la surface du sol est sèche, ils se mettent en vie ralentie, ils se reproduisent, ils laissent des cocons et tout le monde meurt. Donc ce sont des vers qui sont, parmi les vers de terre, ce sont les plus adaptés aux perturbations. C'est pas pour eux que je suis le plus inquiet, sauf si Jérôme a un avis contraire. Jérôme Mathieu. Oui, non, je suis plutôt d'accord avec le point de vue de Yvan. Ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est qu'en fait, les vers de terre, c'est très divers. Donc, parce qu'on imagine tous les vers de terre dans notre jardin. Mais en fait, il y en a de tailles très très différentes. Donc, par exemple, les plus petits à l'âge adulte, ils font 2 cm. Donc, on imagine bien, c'est des petites espèces qui vivent très vite, enfin, qui ont des cycles de vie très rapides. Et par exemple, en France, le plus grand ver de terre, il fait 1 mètre. Donc, on imagine bien qu'un ver de terre qui fait 1 mètre, il va pas se reproduire à la même vitesse qu'un ver de terre de 2 cm. Et si on se place à une échelle encore plus globale, donc il y a des vers qui font jusqu'à 2, 3, voire 3 mètres. Donc du coup, là, eux, ils ont besoin d'un certain temps quand même pour pouvoir faire leur cycle de reproduction. Et donc ça veut dire qu'avant d'arriver à l'âge adulte, ils vont devoir passer à travers différentes saisons. Et donc du coup, les changements climatiques vont être importants parce que s'il y a des changements climatiques, mais disons que ça va déterminer leur capacité à passer certaines saisons sous forme de cocon, ce genre de choses. Donc en gros, il faut qu'ils arrivent à survivre... à ces événements climatiques qui sont pas forcément évidents pour eux à passer. Et donc du coup, les différentes espèces vont être impactées de manière différente par les changements climatiques. Donc c'est assez difficile de faire des règles générales. Ce qui par contre est vraiment connu, c'est que tous les paramètres démographiques, donc la vitesse de reproduction, la quantité de cocons, on appelle ça, produits, le temps qu'ils mettent pour éclore, tout ça, c'est complètement température dépendant. Alors là, c'est vraiment radical. C'est vraiment... vraiment une relation très forte. Donc du coup, on sait que les changements de température, ça va vraiment fortement impacter la démographie des espèces. Après, c'est un peu difficile de projeter qu'est-ce qui va vraiment se passer dans le futur. Quel est justement comment, parce qu'on disait au début de cette émission que c'est difficile d'estimer exactement la diminution de quantité de vers de terre en fonction des sols, en fonction des surfaces et de l'exploitation ou de la transformation de ces surfaces. Il y a tout de même une étude qui a été publiée dans Plus One qui dit que 42% des champs britanniques sont déficitaires en lombrique. Il manque un peu fies. Alors qu'est-ce que ça veut dire déficitaire en lombrique déjà, et comment est-ce qu'on peut s'assurer de la représentativité de cette étude? Alors ça c'est très intéressant, c'est très actuel. C'est ce qui, quand on dit que c'est déficitaire, c'est qu'il faut établir une référence. Et donc, jusqu'ici, on manquait un peu de référence. Or, il y a des grands programmes nationaux en France et sûrement en Angleterre qui font du recensement, alors souvent en utilisant la science citoyenne. Et plus on aura de chiffres, plus on aura de capacité à dire, pour tel type de sol, on attend tel chiffre de référence pour les vers de terre. Et on verra qu'en fonction des pratiques, on est un peu en dessous. Donc l'étude auquel vous faites référence, elle a regardé ce qui se passait dans les champs de blé en Angleterre, et à l'évidence, quand elle dit que, quand ces personnes concluent qu'il y a 42% des champs qui sont déficitaires, c'est qu'on était plutôt dans des pratiques très intensives. Donc il faut savoir que les pratiques qui impactent beaucoup les vers, ça va être le travail du sol, on va dire à l'ancienne, un labour comme on le faisait il y a 20 ans, ça peut vraiment faire descendre les populations. Ça va être la capacité que vous avez à restituer la matière organique au vert, parce que dans un champ de blé, il n'y a pas grand-chose à manger une fois qu'on a exporté le blé. Et donc, si on fait comme on faisait il y a 20 ans, on brûle les pailles, les vers n'ont plus rien à manger pour tout l'hiver. Alors ça, tout ça, il faut bien dire aussi que toutes ces pratiques évoluent positivement. Les labours, maintenant, ils sont moins profonds. Il y a beaucoup de travail superficiel. Des fois, il y a même des agriculteurs qui se passent de labour. Vous avez beaucoup plus de restitution des matières organiques au sol. Hein. On enfuit les pailles ou on les laisse à la surface. Donc, en fait, moi, j'ai plutôt, sur les temps longs, peut-être que les populations se sont réduites, mais sur des temps courts, je dirais 10, 20 ans, j'ai plutôt l'impression que dans les champs de blé, on a plutôt des populations qui augmentent grâce aux nouvelles pratiques. Bonjour Mathieu, à ce propos. Oui, alors moi, je voulais juste compléter par rapport aux zones tropicales où, en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que des pratiques agricoles néfastes, entre guillemets, et pouvaient vraiment décimer les populations en l'espace de quelques mois. Enfin, vraiment, c'était vraiment radical. Mais par contre, s'il y a des sources de colonisation aux alentours, elles peuvent aussi recoloniser ces parcelles-là si on les laisse faire, quoi. Donc du coup, ça veut dire que finalement, c'est un groupe qui est très sensible aux pratiques. C'est pas forcément intuitif, hein, mais les pratiques vont vraiment soit impacter positivement ou négativement les populations et la diversité de vers. La question qui se pose aussi, alors c'est vrai qu'on a beaucoup vu hein, ces dernières années de sujets, de reportages, notamment d'agriculteurs en disant regardez, voilà, là, en prenant des poignées de terre, en disant il n'y a plus rien, on a décimé ces populations de vers de terre et on associe ça à l'appauvrissement des sols, à la difficulté, donc à la nécessité de mettre de plus en plus d'intrants. Justement, aujourd'hui, Yvan Capovies, qu'est-ce qu'on sait de la sensibilité des vers de terre aux pesticides en règle générale Pour les pesticides, à nouveau, sur des temps longs, on va dire que comme on a utilisé de plus en plus de pesticides, ben, on a peut-être de plus en plus impacté ces populations. Mais moi, je reprends un temps court, parce que c'est aussi celui de mon passé de chercheur. C'est sur l'échelle de 10 ans, on voit que toutes les molécules qui étaient les plus toxiques pour les vers de terre ont tout doucement, les unes après les autres, été interdites. Donc c'était le cas des organophosphorés, c'est le cas de plein de vieilles molécules. Et même l'imidaclopride, elle n'est pas encore interdite, mais très bientôt. Donc en fait, il y a une sélection qui s'est passée. Alors cette sélection, il faut le dire aussi, elle a été le fait de l'industrie chimique. L'industrie chimique s'est un peu auto-censurée. Et quand il a fallu renouveler les autorisations, elle a dit, bah non, pour ce dossier de molécules trop toxiques, on ne propose pas. Et donc, ça explique aussi pourquoi il y a un débat et pourquoi il y a des gens qui ne sont pas d'accord. C'est qu'en fait, en éliminant toutes les molécules qui étaient toxiques, on a mis aussi à jour le fait que les techniques qu'on utilisait pour voir si ces molécules étaient toxiques ne sont plus à jour. Avant, c'était simple. Vous mettiez le vers de terre 15 jours dans un sol avec des quantités connues de pesticides. Vous regardiez s'il mourait ou pas. Bon, cette toxicité, si vous aviez plus de temps, vous mettiez 28 jours dans un sol. Vous regardiez combien de cocons il produisait, donc la reproduction. Maintenant, on est sur des molécules, des nouvelles familles chimiques. Les modes d'action ne sont pas très bien connus. Et il est possible que ce soit des perturbateurs endocriniens, des choses comme ça. Et donc, tous ces vieux tests normalisés ne sont plus du tout au goût du jour. Et donc on sent tous, hein, l'industrie chimique comme les chercheurs, comme les écotoxicologues, comme les écologues, qu'il faudrait qu'on aille vers des choses nouvelles qui seraient plus adaptées aux molécules qui sont appliquées à l'heure actuelle. Mais c'est-à-dire quelle chose nouvelle par exemple? Quelle autre méthode? Alors bon, c'est des choses qui sont en cours, mais il y a des tests un peu comportementaux. On pourrait déjà... on est obligé de dire, parce qu'il faut quand même l'avouer, c'est qu'il faut faire des choses simples. Si vous voulez avoir un test normalisé et qu'il est extrêmement complexe, il a peu de chances d'être appliqué et puis il donnera des résultats tellement variables qu'il ne sera pas opérationnel. Donc, dans les choses simples qu'on peut faire, c'est les tests d'évitement. On met des concentrations croissantes de pesticides et on regarde si les vers, ils s'enfuient. Vous voyez que déjà, dans un test comme ça, on est très loin de la létalité. On n'est pas en train de regarder, il meurt, c'est, il trouve ça désagréable, il s'enfuit. L'idée derrière, c'est que si, dans un champ, les vers s'enfuient, ils ne font pas faire leur boulot. Voilà. Donc, il faut creuser. Après, il y a sûrement plein d'indicateurs biochimiques. Moi, je ne suis pas un spécialiste de cette partie-là. Mais pour l'instant, il n'y en a aucun qui a passé le cap de devenir un test normalisé officiel. C'est un travail qui est long et qui demande aussi l'implication des chercheurs. Jean-Mathieu ? Oui, je me disais, on peut aussi rappeler que, en fait, les vers, ça fait partie des organismes sur lesquels il y a des tests officiels, on va dire, de dangerosité des produits. Donc, il y a des normes, il y a un test, hein, qui est norme ISO, etc. Et donc, ça fait partie des tests obligatoires pour valider ou pas. Quand l'industrie agrochimique veut sortir un nouvel intrant, on essaye d'abord sur les vers de terre. Entre autres, on va dire, mais en tout cas, il y a cela. Ouais. Oui, le principe de ces tests, c'est qu'on a choisi des espèces représentatives pour chaque milieu. Donc dans l'air, dans le sol, dans l'eau. Dans le sol, on n'avait pas beaucoup de choix, on a choisi le vers de terre, mais bien sûr, comme c'est difficile d'élever des vers de terre qui sont présents dans les sols agricoles, l'industrie chimique et aussi les écotoxicologues de l'époque ont dit, bon, on va prendre un ver qu'on trouve pas dans les sols agricoles, certes, mais qui est très facile à élever et que tout le monde a peut-être chez lui maintenant, qui est le ver du compost, Eisenia foetida. Alors, il se trouve que ce ver aussi, eh bien, c'est un ver épigé, c'est un ver du compost, c'est un ver qui a l'habitude d'être un peu irrité par des choses que vous mettez dans votre compost, hein, un peu acide, un peu... Et donc c'est un ver très résistant. Donc déjà, on n'a pas de chance, on a pris quelque chose de simple, mais qui n'est pas peut-être qui est pas facile pour nous de, pour voir des toxicités. Donc maintenant, il y a aussi des chercheurs à l'échelle européenne qui se battent pour qu'on travaille aussi sur des espèces plus réalistes, on appelle ça, hein, des espèces que tout simplement on trouve dans les sols agricoles. Pourquoi tester des pesticides sur des vers de terre qu'on ne trouve pas dans les sols agricoles, voilà. L'autre question, vous disiez, il y a les nouvelles générations d'intrants ou de pesticides sur des comportements. Je pense aux néonicotinoïdes, dont on sait qu'ils ont un certain dégât sur le comportement des abeilles. Ils auraient aussi, a priori, des dégâts sur les comportements et notamment sur les comportements reproductifs des vers de terre, Yvan Capovies. Oui, pour l'aspect reproductif, encore une fois, ça a été démontré chez Zenia Fetida, parce que lui se reproduit très bien dans un laboratoire, hein, dans votre compost, et donc dans un laboratoire. Pour l'aspect plus comportement, par exemple, le comportement excavateur, ça, c'est des études qu'on avait faites, nous, il y a maintenant presque 15 ans, et on avait vu qu'à des doses qui étaient de 10 fois inférieures à celles qu'on pouvait trouver au champ, le comportement excavateur des vers était diminué significativement. Donc, sachant qu'il y a un facteur 10, c'est vrai que c'était assez inquiétant, et puis d'autres études plus récentes l'ont démontré à nouveau. Donc c'est vrai que il faut rembobiner le fil aussi, hein, les néonicotinoïdes, c'était une nouvelle famille de pesticides. Au début, tout le monde a crié « chouette, enfin quelque chose de nouveau », parce qu'il y avait des résistances pour toutes les anciennes familles. Et puis c'était... Et donc on s'est un peu précipité. Le midaclopride, c'est le premier de cette famille, a été très utilisé. Malheureusement, c'est le plus toxique. Et c'est celui qui a posé énormément de problèmes sur les abeilles. Il en pose sur les vers de terre, bon, même si on ne s'en rend pas compte tous les jours. Et maintenant, dans cette famille, on trouve des molécules plus récentes qui peut-être sont moins toxiques, mais tant pis, l'opprobre a été jeté sur toute la famille. Il faut passer peut-être à autre chose. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut s'inquiéter aujourd'hui de la diminution du nombre de vers de terre ? Christophe Gatineau a adressé une lettre en début d'année à Emmanuel Macron. Il dit « le vers de terre est une urgence absolue. Les sols où il n'y a plus de vers deviennent stériles. Aujourd'hui, il y a un vrai péril dans les sols français, Jérôme Mathieu. Enfin, français ou d'ailleurs dans les sols exploités agricoles en général. » Oui, c'est un peu vrai, c'est un peu faux. Enfin, disons que c'est sûr que l'abondance et la diversité, ça va refléter les pratiques agricoles. Donc ça, évidemment, si il y a des pratiques qui sont vraiment néfastes, on va dire, ça va se voir. C'est difficile à cacher. Dans ce sens-là, c'est vrai. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a certains milieux, quand on se place à l'échelle du globe, qui n'ont pas beaucoup de vers de terre naturellement. Donc dans ces cas-là, c'est pas forcément évident de qu'il y a un peu de vers de terre égale mauvaise pratique. Donc il faut, en France c'est probablement vrai, mais dans d'autres endroits c'est pas forcément vrai. Donc il faut aussi avoir ça à l'esprit pour pas faire des simplifications un peu outrancières, quoi. Et donc par exemple en Amérique du Nord, il y avait pas de vers de terre dans le nord de l'Amérique du Nord jusqu'à récemment, en fait. Au Canada même plus au sud. Ah, d'accord, ok. Et c'est parfaitement naturel. Donc s'il y a des vers de terre, c'est qu'on les a mis là. Et que c'est plus très naturel. Donc après, ça veut pas dire c'est mal ou c'est bien. Enfin, ça, c'est juste un point de vue anthropocentrique. Mais ça veut juste dire qu'il y a ces organismes-là et qu'ils jouent un certain rôle dans le système. Et ce rôle, il est bien ou pas selon les objectifs qu'on a pour cet endroit-là, quoi. Donc voilà. Donc ça dépend du contexte. Ce qui est sûr, c'est que ça reflète les pratiques agricoles. Ça, c'est Yvan Capovies. Oui, donc je pense que ce message alarmiste, encore une fois, c'est pas à nous de critiquer les messages alarmistes. Ils vont dans le bon sens parce qu'ils veulent attirer l'attention sur quelque chose. Par contre, ils partent souvent de résultats un peu extrêmes, un peu simplifiés. Moi, je connais pas beaucoup de sols sans vers de terre. Les exemples que je connais, c'est des sols extrêmement pollués au plomb. Donc, c'est quand même pas très courant autour d'une usine de recyclage de batteries. Voilà, premier exemple. Deuxième exemple où il n'y a pas éradication des vers, mais il y a très peu de vers, c'est dans les sols viticoles, malheureusement, parce qu'on a utilisé beaucoup de cuivre. On en utilise à l'heure actuelle beaucoup moins. Malheureusement, le stock de cuivre depuis 20, 30 ans, le cuivre n'est pas très mobile dans le sol, là, qui se stocke, et les concentrations sont fortes, et là, les vers souffrent. Néanmoins, c'est pas définitif, on pourrait mettre des quantités de matière organique fortes qui fixeraient le cuivre, et on retrouverait des populations peut-être plus intéressantes dans ces sols viticoles. Par contre, en grande culture, moi, j'ai jamais vu un sol sans vers de terre. Alors peut-être la densité est de 100 individus au mètre carré, ce qui est faible. Mais la vraie question, c'est éradiquer, c'est qu'est-ce qu'on peut changer dans les pratiques, qu'est-ce qu'on peut ajouter aussi dans les itinéraires techniques, hein, des apports de matière organique, pour doper ces populations si on pense qu'elles sont utiles pour l'agriculture. Voilà. Et par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a des solutions ? Moi, je pense que... on en a un peu parlé en début d'émission. On fait des travaux du sol moins violents, d'accord ? Donc ça, c'est un effet radical. Ça veut dire moins de labour. Hein. Voilà. De, un labour superficiel, ou un labour, au lieu de le faire tous les ans, on le fait tous les 2-3 ans. On appelle ça labour occasionnel. Il y a plein de, maintenant, il y a une variété de pratiques, hein. Et puis, si on peut, on peut faire zéro labour et on va retrouver des populations d'anéciques. Donc, des gros vers qui font des grandes gaineries continues. On peut aussi, deuxième chose sur laquelle on peut jouer, c'est la matière organique. C'est l'alimentation des vers. Donc, si vous faites des apports de matière organique, hein, de matière plus ou moins compostée, vous allez aussi doper les populations. Ça, c'est les deux premières choses essentielles. Après, il faut aussi éliminer les pesticides les plus toxiques pour les vers. J'ai envie de dire, ça a déjà été fait parce que, historiquement, les plus toxiques sont éliminés. Éviter des néonicotinoïdes comme l'imidaclopride, c'est une bonne idée aussi, oui. On a testé la toxicité, par exemple, d'un pesticide dont on parle beaucoup, du glyphosate, sur les populations de vers de terre? Oui, il y a quelques données, mais pour moi, c'est très, très, très indirect. Hein. Cette molécule, elle change, je crois, la quantité de protéines dans certaines espèces de vers de terre, mais on n'a pas vu de toxicité. Pour moi, le glyphosate, c'est pas forcément un effet toxique qu'il faut craindre, c'est plutôt le fait qu'on retrouve dans toutes les eaux maintenant, dans les eaux de surface, des eaux de profondeur. Et donc là, c'est un peu inquiétant de voir une molécule qui est partout présente et pour laquelle peut-être on n'a pas étudié tous les effets à long terme. Jérôme Mathieu, pour conclure justement, pour aujourd'hui s'assurer un retour et une colonisation plus abondante dans les champs pour doper un peu la production finalement de vers de terre. Oui, une des solutions, c'est de gérer un peu ce qu'il y a autour des... Enfin, outre les solutions de gestion locale, comme vient de le dire Yvan, on peut aussi penser à ce qu'il y a autour des parcelles agricoles pour essayer de maintenir des zones réservoirs, entre guillemets, de faune du sol. Hein. Il n'y a pas que les vers de terre, il faut le rappeler. Et donc, du coup, si on favorise le maintien de zones comme ça, des haies ou des choses comme ça autour des parcelles agricoles, ça peut permettre justement cette recolonisation naturelle des parcelles agricoles. Très bien, écoutez, merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de cette étude d'ampleur et du rôle des vers de terre dans les sols. Merci beaucoup Jérôme Mathieu, merci Yvan Capovies d'avoir été avec nous, merci à nos camarades de France Bleu, Gare-Lozère, à Nîmes pour le duplex, merci et à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Céline Lozen, Natacha Triou, Alexandra Delbo, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation et aujourd'hui YouTube, Diego Aclopez à la technique. Demain, nous allons nous intéresser à un grand absent de l'observation spatiale, mais un absent qui pourrait néanmoins apporter de nombreuses réponses à plusieurs énigmes cosmologiques. Il sera question des trous noirs primordiaux. On se retrouve à 16h jusqu'à preuve du contraire.